Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions enregistrées en décembre 2017 sur la fatigue. Nous, au chemin de la philosophie, comme Beckett, comme Hamlet, on continue, coûte que coûte, fatigué ou pas, mais fatigué quand même. I'm so tired, I'm feeling so upset. Although I'm so tired, I'll have another cigarette and curse the Walter Raleigh. It was such a stupid get. You'd say, putting you on, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the rain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I give you everything I've got for a little peace of mind. Simple monsieur, how bad is alone? Et oui, la fatigue parfois empêche de parler, c'est ce que semble dire le bafouillement de John Lennon en fin de chanson, mais parfois elle empêche de dormir. C'est ce que disent cette fois les paroles de cette chanson composée par John Lennon en 1968, au cours d'un séjour en Inde, où les cours de yoga et de méditation transcendantale, bien loin de le conduire au repos, provoquent des crises d'insomnie sans précédent et une fatigue redoutable. C'est vrai que parfois la fatigue empêche de dormir, Olivier Abel. Oui. En tout cas, on dirait que c'est y a un lien chez Emmanuel Levinas entre ces deux thèmes, et c'est une connexion assez intrigante. On dirait que ce sont deux thèmes tout à fait fondamentaux chez lui. Ça fait partie de sa démarche de chercher en même temps à penser de manière dramatique en se rapportant aux événements, rapporter la pensée aux événements en quelque sorte qui la fondent, mais aussi sa démarche de concrétisation. Soudain, il y a des figures très très concrètes qui apparaissent dans sa pensée, et cette voilà, la figure de l'insomnie est absolument fondamentale au départ de son œuvre. C'est comme une porte d'entrée, et la figure de la fatigue aussi. Vous êtes professeur de philosophie éthique, Olivier Abel. Vous avez écrit sur de nombreux sujets. Aujourd'hui, c'est d'Emmanuel Levinas que nous allons parler, car en effet, il a choisit l'insomnie comme un objet d'étude. En tout cas, il s'y réfère beaucoup sur la fatigue en particulier, et l'insomnie peut-être encore plus en particulier. On va l'entendre tout de suite, il était au micro des chemins de la connaissance, l'ancêtre de cette émission, en 1981, au micro donc de Philippe Nemo. Votre premier livre autonome, si j'ose dire, dans lequel vous livrez votre propre pensée, c'est un petit livre qui s'appelle « De l'existence à l'existant ». Vous l'avez écrit, dites-vous, dans votre préface, vous l'avez écrit pendant la guerre, dans le Stalag. Pouvez-vous faire de la philosophie dans le Stalag ? Au Stalag, on est toujours philosophe de dimanche seulement. Surtout quand vous êtes dans le Stalag, on vous fait travailler. Ce livre remonte, en effet, à cette époque-là, mais la chose centrale dont il y est question, c'est ce que j'appelle l'ILIA. ILIA, pour moi, est un phénomène de l'être impersonnel, il, n'est-ce pas ? Ce thème remonte à des souvenirs d'enfance, pas au berceau, pas du berceau, mais enfin, la période où l'enfant s'endort seul, la grande personne continuant la vie, et qui ressentait le silence de sa chambre à coucher comme bruissant. Et quelque chose qui ressemble à ce qu'on entend quand on approche une coquillage vide de l'oreille, comme si le vide était plein, comme si le silence était un bruit. Et quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on pense que même si il n'y avait rien, le fait qu'il y a n'est pas niable. Non pas qu'il y a ceci ou cela, mais que la scène même de l'être est ouverte. Il y a, dans ce vide absolu qu'on peut imaginer d'avant la création, il y a. L'insomnie nous met face à l'ILIA. On va essayer de comprendre ensemble ce que cette formule signifie, Olivier Abel, au cours de l'heure qui suit. D'abord, pour comprendre le sens de la première question de Philippe Nemo, qui rappelait que Levinas avait écrit cet ouvrage de l'existence à l'existant en captivité, il faut dire que Levinas est né en Lituanie en 1905, qu'il est naturalisé français en 1930, et qu'en 1939, il est mobilisé et fait prisonnier à Rennes par les Allemands, et c'est donc bien en captivité en France, qu'il va rédiger ce texte qui paraît absolument incroyable aujourd'hui. Oui, c'est un texte que moi, à chaque fois que je l'ai repris, je me suis dit, ah, vraiment, c'est quelle simplicité en même temps. C'est un texte écrit, on dirait, d'un trait, sans aucune note en bas de page, un peu comme Le Temps et l'Autre, enfin, souvent comme l'œuvre de Lévinas, il faut dire. Mais là, on sent vraiment, je dirais, le déplacement qu'il fait par rapport à Heidegger, qui est non pas essayer de remonter de l'étang vers l'être, mais d'une certaine manière, au contraire, de revenir de l'existence à l'existant, voire... Alors, comme... c'est quoi la différence entre l'existence et l'existant? Mais l'existence, c'est justement le « il y a », c'est ce bruissement de l'être, et l'existence, c'est se ressaisir dans ce bruissement, dans ce grouillement. Il parle de quelque chose d'étouffant auquel on ne peut pas échapper. On est toujours dans l'existence, on est pris dans l'existence, on va en parler, je pense, beaucoup. Et justement, l'existence, c'est comment l'existence jaillit de l'existence, hors de l'existence. Il y a quand même ce geste, je dirais, de sortie, presque d'exode, d'une certaine manière. Il faut s'arracher à, il faut se désengluer de. Donc voilà, ça, il me semble, ce retournement, il me semble extrêmement puissant dans ce livre. Et donc, le problème, en gros, que pose Lévinas, c'est pas tellement le problème de la mort, et donc, je dirais, de l'angoisse de la mort, mais c'est plutôt au contraire, je dirais, le mal, l'épuisement, mais d'abord le mal d'être, d'une certaine manière. Comment l'être lui-même, c'est l'horreur de l'être. Comment est-ce qu'on va s'arracher à l'horreur de l'être? Mais le terme est extrêmement fort, oui, l'horreur fort, de l'être. Très fort, très fort. Mais d'une certaine manière, je dirais, avant d'entrer plus avant dans la pensée de Lévinas, que c'est très très proche de Sartre, d'une certaine manière. Sartre écrit « L'être et le néant ». La nausée. Voilà, la nausée, c'est l'être. Là aussi, chez Sartre, l'être est une glu. On est embourbé dans l'être et il faut le néant pour nous arracher à l'être, pour marquer une sorte de délivrance, de liberté qui, par la néantisation, nous arrache à l'être. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a peut-être en débat avec Heidegger, chez les deux, autant chez Sartre que chez Lévinas, une conception de l'être qui s'est, on pourrait dire, inversée. L'être, c'est l'horreur, d'une certaine manière. L'être, c'est une prison. On est captif d'exister. Il y a une sorte de captivité de l'existence. Et comment est-ce qu'on va se délivrer? Je dirais, ça, c'est le grand drame qui traverse toute la pensée de Lévinas. Par quoi est-ce, et comment est-ce qu'on va sortir de cela? Il y aura plusieurs chemins. Il y aura le chemin du sommeil, et puis il y aura bien sûr le chemin de la rencontre d'autrui qui va ouvrir en nous, qui va nous dénucléer, dira-t-il, pour nous sortir de nous-mêmes. Ce qui est très étonnant, c'est qu'alors que Lévinas est donc contemporain de la Seconde Guerre mondiale, qui est donc fait prisonnier pendant cette guerre mondiale, il écrit sur l'horreur non pas de ce qui est en train de se passer, de l'horreur politique, d'une horreur, morale même, de ce qui est en train de se passer, mais d'une horreur de l'être, c'est-à-dire qu'il a une réflexion métaphysique, il parle de l'être, quand même la chose dont on la plus difficile à saisir peut-être, on peut pas faire l'expérience de l'être, alors il faut vraiment essayer de préciser ce qu'on entend par être, il parle d'ailleurs en ce sens d'il y a, je sais pas si c'est d'ailleurs forcément plus intuitif quand on lit l'expression il y a, mais il propose cette réflexion sur l'horreur de l'être, alors qu'il y a une horreur politique, guerrière et morale qui est en train d'advenir. Oui. Oui, c'est ça, la force de ce genre de pensée. On trouve aussi la même chose chez Kierkegaard, d'une certaine manière. Ou chez Heidegger aussi, il faut le dire. Bon, même si la démarche de Lévinas est très très différente de celle de Heidegger. Mais quand même, on pourrait dire que l'horreur, c'est l'horreur d'être captif de ce qui est, de ne pas pouvoir en sortir, et ne pas pouvoir sortir de la condition d'être, d'une certaine manière, d'être né. Et donc, il y a bien un écho, je ne sais pas s'il le savait, s'il le sentait, mais je pense qu'il y a, à ce moment-là, bien des personnes qui étaient, je dirais, enfermées dans leur, incarcérées dans le fait d'être nées juives, et qui auraient voulu sortir de cette condition, échapper à leur... C'est moins abstrait qu'il n'y paraît, il parle quand même abstrait. De lui. Ça me semble au contraire extrêmement, un tragique extrêmement contemporain de ce qui se passe. C'est ça qui est même presque étonnant, parce que là où il était, il ne devait pas savoir grand-chose. J'imagine. De ce qui se passait. J'en sais rien, je ne suis pas assez connaisseur de la vie de Lévinas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de vraiment contemporain, au contraire, il me semble. Très contemporain. Parce que ce constat qu'il fait de l'horreur de l'être, on le retrouve, enfin, ce n'est pas le premier à l'inventer ni à le faire, on le retrouve chez Shakespeare beaucoup, on retrouve beaucoup chez Beckett aussi. Tout à fait. Ce constat d'une inéluctabilité de l'existence contre laquelle on ne peut rien, et où l'impossibilité de mourir aussi, cette espèce de prison que peut être l'existence chez des gens, des artistes, des écrivains qui ont su le nommer, mais dont on peut tous faire l'expérience. Tout à fait. Par rapport à Shakespeare, qu'il cite d'ailleurs dans De l'existence à l'existant, il cite Hamlet, il cite Macbeth, il dit en quelque sorte l'impossibilité de mourir, parce que justement, même quand on meurt, ça continue, peut-être que ça continue, et l'impossibilité de tuer, parce que quand on tue, ça revient, dit-il en citant Macbeth. Je dirais, Hamlet me semble encore plus important, parce que finalement, to be or not to be, c'est vraiment l'idée que je suis renvoyé interminablement de l'angoisse du néant à la fatigue d'exister. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce que le plus grave, c'est l'angoisse du néant? Ce serait plutôt Heidegger. Et justement, Lévinas réveille, oui, mais l'autre côté, c'est la fatigue d'être. C'est la fatigue d'être dans cet être qui est de toute façon, qui est injuste, qui n'a pas de sens, qui est absurde, qui est une sorte de répétition infernale du même, en quelque sorte, auquel on ne peut jamais s'arracher. Voilà. Il y a là une tension extrêmement forte qui dit quelque chose. Il y a la démarche de Lévinas, oui. Donnons-lui la parole à travers la voix du comédien Georges Clès. Voici un extrait de L'existence à l'existant, publié donc après la guerre en 1947, qui décrit ce qu'est le thème de cette semaine, à savoir la fatigue. La fatigue, même et surtout la fatigue que l'on appelle à la légère physique, se présente d'abord comme un raidissement, un engourdissement, une manière de se recroqueviller. Épuisement ou empoisonnement musculaire pour le psychologue et le physiologiste, elle s'impose à l'attention du philosophe à un tout autre titre. Le philosophe se doit de se placer dans l'instant de fatigue et d'en découvrir l'événement. L'engourdissement de la fatigue est bien caractéristique. Il est une impossibilité de suivre, décalage constant et croissant de l'être par rapport à ce à quoi il reste attaché, comme une main qui lâche peu à peu ce à quoi elle tient, qui lâche dans l'instant même où elle tient encore. Mieux qu'une cause de ce relâchement, la fatigue est ce relâchement même. Elle est cela, dans la mesure où elle ne se loge pas simplement dans une main qui lâche le poids qu'elle soulève avec fatigue, mais dans une main qui tient à ce qu'elle lâche, même lorsqu'elle l'a abandonné et qu'il lui en reste une crispation. Il n'y a en effet de fatigue que dans l'effort et le travail. Ce qu'on entend dans ce texte, Olivier Abel, est une description du phénomène physique et physiologique et la fatigue. Lévinas dit que la fatigue est autre chose que cette crispation, ce raidissement, cet engourdissement du corps, mais qu'elle part quand même de là. Oui, c'est toujours sa description de choses extrêmement concrètes où il voit notre condition tout entière. D'une certaine manière, c'est curieux parce que la fatigue, pour lui, c'est pas seulement juste quelque chose qui arrive de temps en temps, c'est presque notre condition. Nous sommes fatigués de naissance, d'une certaine manière. Et c'est curieux parce qu'on pourrait dire, justement, si de naissance, par nature, si je peux dire, la nature, c'est ce qui est infatigable, aurait dit Aristote. Enfin, justement, on ne peut pas se fatiguer d'être ce que l'on est. Oui, mais d'une certaine manière, l'existant, il n'est pas ce qu'il est. Il y a un écart à soi que la fatigue dévoile. C'est ça qui me semble être le cœur de la description, dans la description de la fatigue. La fatigue manifeste le mal d'être, d'une certaine manière, mais manifeste, cette lassitude d'exister, cette lassitude de tout, de tous, cette lassitude d'être soi-même, cette fatigue d'être soi-même, à laquelle on ne peut pas échapper. Être, dit-il, c'est avoir à être, hein, c'est avoir à vouloir, à pouvoir. Et en même temps, ce décalage, le refus d'exister et en même temps l'impossibilité de ce refus. Dans toute fatigue, il y a ce va-et-vient. Et donc, la fatigue introduit dans l'existence une sorte de retard à soi. C'est un thème très important chez Lévinas, qui est en même temps cet enlisement, cet accablement de la fatigue, cette lassitude primordiale. Et en même temps, voilà, il dit, dans l'existence, il faut toujours s'occuper des bagages. On est toujours encombré de soi-même. Il faut se ressaisir sur cette lassitude première. Et donc, l'effort renvoie à la fatigue et la fatigue, c'est ce sur quoi on s'appuie, d'une certaine manière, dont on sort, mais par une reprise seconde. On commence en s'appuyant sur le fait qu'on est obligé d'assumer l'existence, d'assumer son poids, on va dire. Et vous dites, en citant Lévinas, vous dites « il faut continuer, il faut vivre, oui. Il faut exister. Ce il faut oui. précède même la morale. C'est oui. une espèce d'injonction que la vie nous donne à nous-mêmes et oui. de laquelle nous ne pouvons pas nous défaire. Et oui, on est dans ce encombre. Une injonction à vivre cette qui injonction, est épuisante. Oui, voilà, c'est ça. À vivre et à porter ce corps, à porter cette vie, à porter l'existence simplement. C'est ça, le cœur de la. En quoi la fatigue dévoile quelque chose. Et donc, la fatigue, on pourrait dire, accompagne tout. La fatigue, c'est comme la conscience, ça accompagne tout. C'est pas quelque chose que je peux pas décrire sur des moments de ma vie, ça accompagne toute ma vie. Toute ma vie, tout entière, se fait sur fond de cette fatigue d'exister, d'une certaine manière. Mais alors, là aussi, c'est très intéressant, parce que c'est à la fois incarné, on a entendu le texte, qui décrit un phénomène corporel. Oui. Et en même temps, cette fatigue n'est pas celle uniquement de mon individu. Vous dites, pour Lévinas, nous sommes fatigués de l'existence, c'est-à-dire y compris celle des autres. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est très difficile à cerner. On peut être fatigué d'être soi-même, fatigué d'avoir toujours le même caractère, fatigué de vivre avec telle personne, fatigué de son travail. On peut être fatigué de quelque chose. Mais fatigué sans rien, fatigué tout court, c'est fatigué de la vie en général. Et il y a peu de choses aussi difficilement cernables qu'ont une expression aussi concrète. Oui, et vrai, c'est curieux parce qu'en même temps, c'est très concret. C'est très concret et c'est tellement universalisé, là, je dirais, c'est qu'on a le sentiment que Lévinas dramatise excessivement, d'une certaine manière, hein, on pourrait dire. Et c'est quelque chose que l'on sent souvent chez Lévinas, cette espèce de dramatisation dans laquelle ça dévoile notre condition tout entière à tous, d'une certaine manière. Oui, mais voilà, justement, c'est sur cette situation particulière que se déchiffre notre condition, et ça, je dirais, c'est quand même la grandeur de la pensée de Lévinas, c'est d'arriver à interpréter à travers des phénomènes très ordinaires, des choses très, très générales. Et ce thème, d'ailleurs, du retard qui apparaît là-dedans est très important, parce que le thème du retard, c'est justement le thème du... C'est le temps, en fait. C'est introduit le temps. Parce que, d'une certaine manière, le retard à être, hein, le décalage à soi qu'introduit la fatigue, c'est, il dit, ce retard constitue le présent. C'est comme si ma temporalité la plus intime était constituée par le retard à moi-même, la non-coïncidence à moi-même que m'inflige cette fatigue primordiale, en quelque sorte, par rapport à mon effort d'exister. Donc c'est comme s'il creusait sous l'idée de Spinoza, de la persévérance dans l'existence, de l'effort d'exister, comme s'il creusait quelque chose derrière plus radical. Je peux faire une parenthèse à cet égard. Ah, mais je vous en prie. Oui, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Henri Corbin, dans son commentaire de Sora Wardi, montrait qu'il y avait l'ange Gabriel rétrogradé de la troisième à la dixième place dans la cosmologie de Sora Wardi, donc un auteur persan du XIIe siècle, justement parce que il laisse son aile gauche s'enténébrer dans la matière à la fois par le désir et par la volonté de rattraper son aile, et donc du coup il se met à retarder parce qu'il est mis en retard le temps tout entier chez Sora Wardi, c'est le retard de Gabriel. Tout le temps, c'est une sorte de cosmologie du temps, le temps est un retard. Le temps est un retard de l'éternité. Et donc, je sais pas, il y a une proximité là entre le petit geste de Lévinas et le geste de Sora Wardi. Je me suis demandé, j'ai pas eu le temps de faire l'enquête, si Lévinas avait connu Corbin et les travaux sur Sora Wardi, parce que là, il y a une grande proximité avec cette cosmologie. En tout cas, il y a cette dimension de dire que le présent, que le temps est constitué par ce retard, c'est une première genèse du temps qui n'a rien à voir avec celle qu'on trouvera chez Lévinas par rapport à l'autre. On reviendra tout à l'heure, j'imagine, le fait qu'on est ouvert, que le temps est ouvert en moi par la rencontre d'autrui. C'est une autre forme de délivrance. Là, c'est comme s'il y avait une sorte de premier début de délivrance ou de recommencement ou de reprise sur soi par ce retard et cette reprise sur un retard. Mais cette Ilia dont parlait Lévinas, on a entendu sa voix en début d'émission, il dit que quand il se rappelle ses insomnies au cours de sa jeunesse, il se sentait face à cette Ilia, cette présence abstraite. Ilia est une manière de... c'est pas un mot déjà, ce sont trois mots, c'est une expression très impersonnelle, très neutre. Oui, Ilia. Et qui n'a pas de complément, qui ne dit rien, qui est imprécise et à la fois insolente parce que imparable. Oui, c'est important, en effet. Il insiste beaucoup sur... Je trouve sur le fait qu'il n'y a pas d'intentionnalité, sur le fait que justement on ne peut pas faire la phénoménologie de l'insomnie ou de la fatigue, en fait, parce que il y a quelque chose d'impersonnel, quelque chose, et ça, vous venez de le dire, et c'est, je crois, très important. Il n'y a pas d'objet, mais il n'y a même pas de sujet. Hein, c'est anonyme, c'est ce bruissement anonyme, c'est cette espèce de rumination de l'être, ce grouillement, ce mâchonnement, je dirais moi, ce remue-ménage. Il parle de remue-ménage. Et donc voilà, cette éternité horrible dans laquelle il n'y a pas d'échappatoire, on ne peut pas en sortir, c'est impossible de mourir. Voilà. Donc voilà, c'est impersonnel. Et je pense que c'est important parce que ça veut dire que là, il creuse sous la phénoménologie de Husserl encore, quelque chose comme une ben voilà, ça échappe la recherche, l'enquête d'une sorte de passivité primordiale à l'être, qui est quand même aussi l'enquête de Husserl, et bien finalement là elle bute sur une impasse. On bute toujours sur du il y a. Parce que le il y a, on le trouve chez Husserl, on le trouve chez Heidegger également. Je le trouve chez Heidegger, on le trouvera ensuite chez Derrida, on le trouve partout. Ouais. Et puis l'impossibilité à mourir, vous l'avez dit, on trouve ça avant. Il y a chez Kierkegaard, il dit exactement la même chose. C'est très étonnant parce que il y a une proximité là. C'est sûr dans le traité du désespoir, enfin la maladie à la mort. Il écrit donc c'est la maladie à la mort. Loin de qu'à proprement parler on en meurt ou que ce mal finisse avec la mort, sa torture. Au contraire, c'est de ne pouvoir mourir. Comme dans l'agonie, le mourant qui se débat avec la mort sans pouvoir mourir. Ainsi, être malade, dit Kierkegaard, d'être malade à mort, c'est ne pouvoir mourir. Mais ici, la vie ne laisse d'espoir. Et la désespérance, c'est le manque du dernier espoir, le manque de la mort. Voilà, donc, c'est pratiquement les mêmes mots qu'on retrouvera aussi d'ailleurs dans Le temps et l'autre. L'impossibilité de mourir. Mourir, ce serait échapper. Donc qu'il y a une injonction. Il y a n'est pas si neutre et impersonnel que ça, parce que sinon il suffirait de se donner la mort si la mort est tellement attendue. Non, eh oui, on ne peut pas. Vous voyez, il y a une injonction, donc parce que il y a la morale tout de suite. L'être continue de toute façon. Il ne s'agit pas de moi. On est dans l'être et c'est l'être va continuer. Oui, donc me donner la mort ne changerait rien à l'existence de l'être. Ça change rien au problème. Ouais. Bon, on est un peu moins fatigué surtout. Ah peut-être, oui, mais la fatigue elle évolue. Ouais, c'est ça. Peut-être oui. Du coup, elle devient secondaire face à l'ampleur du problème. On va retrouver la voix de Lévinas. Toujours en 1981 au micro de Philippe Nemo, ici raconter comment l'expérience de dépersonnalisation qu'est l'insomnie en particulier créait une certaine vigilance. Il y a d'autres expériences toutes proches de l'Ilia et qui sont décrites à côté de l'Ilia, notamment l'expérience de l'insomnie. Et l'insomnie où on ne peut pas dire qu'il y a un jeu qui ne peut pas dormir. Ou l'insomnie, ou cette impossibilité de sortir de la veille est quelque chose qui se produit objectivement, se produit indépendamment de mon vouloir, bien entendu, mais enfin, de telle manière que cette impersonnalité de l'Ilia absorbe ma conscience, comme si c'était une dépersonnalisation de la conscience elle-même. Je ne vais pas, ça veille. Il y a une vigilance mais qui se passe impersonnellement. L'insomnie est faite de la conscience que cela ne finira jamais, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de se retirer de la vigilance à laquelle on est tenu. Vigilance sans aucun but. Au moment où on y est rivé, où on a perdu toute notion de son point de départ ou de son point d'arrivée. Le présent, soudé au passé, est tout entier héritage de ce passé. Il ne renouvelle rien. C'est toujours le même présent ou le même passé qui dure. Un souvenir, ce serait déjà une libération à l'égard de ce passé. Ici, le temps ne part de nulle part. Rien ne s'éloigne ni ne s'estompe. Seuls les bruits extérieurs qui peuvent marquer l'insomnie introduisent des commencements dans cette situation, sans commencement ni fin, dans cette immortalité à laquelle on ne peut pas échapper, toute semblable à l'Ilia, à l'existence impersonnelle. Vigilance sans refuge d'inconscience, sans possibilité de se retirer dans le sommeil comme dans un domaine privé. Cet exister n'est pas un en soi, lequel est déjà la paix. Il est précisément absence de tout soi, un sans soi. Si vous êtes fatigué, vous êtes au bon endroit sur France Culture, les chemins de la philosophie. Vous allez apprendre, vous avez appris que la fatigue est constitutive de notre existence. Nous n'avons pas le choix, nous naissons fatigués. En revanche, arriver à décrire ce qui se passe quand on est fatigué et savoir que c'est un mal universel peut soulager parfois. Nous sommes en compagnie d'Olivier Abel, le philosophe Olivier Abel, et nous parlons d'Emmanuel Lévinas, dont on vient d'entendre d'abord la voix, puis un texte lu par Georges Clès. Plusieurs choses reviennent quand Lévinas parle de l'insomnie. C'est un très beau thème, il en parle de manière très, très, très belle. À la fois la présence, l'omniprésence des bruits, il parle du bruissement, les bruits extérieurs, le vacarme. Il y a toujours, il y a peut-être un silence, mais le silence n'est pas celui de l'existence. Et puis la vigilance. C'est comme si les états d'insomnie, l'ilia qui surgit dans les états d'insomnie, doit nous rendre un peu gardiens, vigilants à ce qui se passe. C'est assez surprenant ça. Comment on le comprend ? Cette vigilance, c'est quoi ? C'est de la conscience ? Ben, moi, je dirais qu'il y a deux sens hein, de l'insomnie. Et presque, pour moi, il y a presque, j'exagère, mais je ne suis pas un très bon lévinassien. Peut-être que des bons connaisseurs de l'œuvre exhaustive diraient, mais non, il y a d'autres continuités. Mais moi, je sens vraiment le Lévinas, que la voix évoquait, là, justement, de Lévinas, le Lévinas de l'existence à l'existant, et qui, chez lesquels l'insomnie est c'est une horreur. L'insomnie dit justement l'horreur de ne pas pouvoir échapper à ce bruissement, à ce bruit, à ce remue-ménage, à cet an, voilà. Et puis, il y a, je dirais, le dernier Lévinas, Lévinas de Dieu, le temps, la mort, par exemple, où justement, il y a tout un chapitre sur l'éloge de l'insomnie. Alors, peut-être qu'il y a une insomnie dès le départ, qui est en même temps un dévoilement d'une condition, et donc, c'est quelque part, c'est bien que c'est important. Mais à la fin, c'est carrément un éloge. Et je pense que, d'une certaine manière, de l'existence à l'existant, il y a aussi un éloge du sommeil, très fort, très, très remarquable, très rare chez les philosophes. Parce que justement, il s'agit tout le temps de se réveiller chez les philosophes. Bon, Jacques Derrida l'a pointé aussi. Et donc là, il y a vraiment un éloge du sommeil. Alors que dans d'autres textes, et ces textes plus tardifs, il y a plutôt un éloge de l'insomnie. Alors là, je trouve qu'il y a une énigme, une tension qu'il faut peut-être pointer un peu. D'une certaine manière, le bruissement... les bruits, hein, le remue-ménage, le grouillement, tout ça. Moi, ça me fait penser à Schopenhauer. Ça me fait penser, je sais pas là encore, je suis peut-être pas assez connaisseur. Je fais une analogie entre l'horreur d'être de Lévinas et le sentiment qu'on a en lisant Schopenhauer que la vie c'est une espèce de lutte perpétuelle. La vie est tout le temps une sorte de combat à mort dans lequel la vie se mange elle-même. Il y a tout le temps ce bruit infernal. Hein, et avec ce devoir de corribante dont parle Lévinas. Corribante ? De corribante, oui. Qu'est-ce que c'est un corribante ? C'est votre question ? Dites-nous, oui. Je ne sais pas du tout. Si, le corribante, je crois que les corribantes sont les suivants dans les cultes de Dionysios. Donc il y a un côté dionysiaque, justement, de la vie. Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Le devoir de corribante, je crois que c'est une formule qu'il prend à d'autres. Il me semble qu'on le trouve chez d'autres. Mais je l'ai lu ailleurs, mais j'ai oublié où, à vrai dire. On y mettra ce qu'on veut. Le devoir de corribante est une formule poétique en elle-même, comme il y a souvent chez Lévinas. Oui, il a une langue parfois qui évoque, où les termes sont plus évocateurs, un peu comme chez Bachelard. Beaucoup d'évocations de littérature. C'est ça. Tout le temps, des allusions à la littérature, à des choses qu'il a lues. Voilà, donc devoir de corribante, en tout cas, ça a à voir avec Dionysos, ça c'est certain. Et donc, oui, chez Schopenhauer, il y a cette espèce de la vie. Hein, et donc, il s'agit bien pour Schopenhauer de se détacher, que le vouloir vivre se détache de lui-même. Et c'est ce détachement qui est, le chemin de la délivrance, du vouloir vivre, d'une certaine manière. Bon, et il y a quelque chose d'analogue, d'une certaine manière, chez ce Lévinas-là. Simplement, au lieu de chercher une sorte d'évasion, de grande évasion, l'évasion qu'il trouve, c'est dans le sommeil. Mais c'est ça, parce que c'est une des choses à laquelle on peut penser en vous écoutant. On se dit, mais il n'y a pas d'interruption possible à l'existence, nous sommes contraints de rester en vie, prisonniers de la vie. Mais qu'est-ce que le sommeil, sinon voilà. Le répit voilà. Que l'existence s'accorde à elle-même voilà. On oublie quand on dort. Exactement, il parle même d'époque, il parle de suspension. Donc, enfin, voilà, il revient le langage de la phénoménologie, on suspend le ressassement et le bruissement permanent, le bourdonnement, il parle du bourdonnement constant de l'être, on va dire de l'être parménidien, l'être et on peut jamais en sortir, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de néant, on est toujours dans l'être, ou la vie, chez Schopenhauer, on est tout le temps dans la vie. Et donc, voilà, dans le sommeil, on échappe à ça, il y a une sorte de parenthèse qui s'ouvre. Et donc, pour le sommeil, c'est vraiment un refuge. C'est un refuge extrêmement positif. Il fait vraiment cet éloge. Pas pour tous les philosophes, hein, d'ailleurs, faut le souligner. Hein. Non. Chez Schopenhauer, oui. Oui. Chez Lévinas, au début, oui. Il y a beaucoup de philosophes comme Nietzsche, par exemple, qui considèrent qu'au contraire, dormir, c'est, vous dites, c'est une fuite, c'est un refuge. Bah, justement, c'est une position de lâcheté. Et même, on pourrait même imaginer, on voit qu'on trouve chez Nietzsche, dans Zarathustra, dans tout le petit chapitre sur les professeurs de vertu, le professeur de morale qui dit que pour être moral, en gros, c'est faire des choses qui ne pas faire ce qui nous empêcherait de bien dormir, en gros. Donc, le cœur de la morale, c'est de bien dormir, finalement. Mmh. Et donc, Nietzsche s'en moque, évidemment. Donc, si le sens de la vie, c'est uniquement de bien dormir, on passe à côté de la vie. La vraie vie, c'est au contraire l'affrontement, la tension, etc. Donc, et puis, d'une certaine manière, chez Kant aussi, hein, être réveillé du sommeil dogmatique, chez Platon, certains verraient aussi cette fonction d'éveil, chez Husserl aussi, il faut réveiller l'idée, la tâche infinie de l'idée pour l'esprit européen, etc. Donc là, au contraire, on a un petit peu chez Schopenhauer et beaucoup dans ce texte de Lévinas, ce texte de l'existence et de l'existant, un éloge du sommeil. Il dit même que la conscience, c'est la possibilité de dormir. C'est incroyable comme proposition. Qu'est-ce qui définit la conscience? C'est la possibilité de se retirer. Pour pouvoir être au monde, il faut pouvoir se retirer du monde. C'est ça l'idée fondamentale et dans laquelle il y a une sorte de paradoxe fondamental, c'est que il y a dans l'être un lieu d'où je peux me retirer de l'être, et c'est le sommeil. Et donc le sommeil, c'est justement se blottir. Il dit se blottir dans un coin, et c'est le seul avoir qui ne soit pas encombrant. C'est une formule extraordinaire. Donc il y a bien là pour une fois, c'est pas une possession qui nous encombre comme nos bagages, mais c'est un lieu qui nous désencombre, dans lequel on s'oublie soi-même, dans lequel on oublie le poids, et d'une certaine manière dans le rêve et dans la nuit et dans le sommeil, je suis peuplé par les autres. Il y a aussi déjà une sorte d'ouverture, à mon avis, à autrui, à autre que moi-même, en tout cas, dans le sommeil, qui peut apparaître ainsi. Et donc, vraiment, le sommeil, c'est la première issue à l'insomnie. Oui, il écrit « Dans la nuit où nous sommes rivés à elle, nous n'avons rien à faire, affaire à rien, mais ce rien n'est pas celui d'un pur néant. Il n'y a plus ceci ni cela, il n'y a pas quelque chose, mais cette universelle absence est à son tour une présence absolument inévitable. La nuit vient se substituer à l'il y a. » Oui, c'est la nuit, c'est l'être, c'est justement ce qui ne peut pas disparaître. Les objets peuvent disparaître, les sujets peuvent tous disparaître, tous revenir dans la nuit, mais il y a quelque chose qui ne peut pas disparaître. C'est justement cet être qui bourde ce bourdonnement-là. Et donc le sommeil nous retire de cela. C'est un retrait. C'est une faculté de retrait, d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, de très original et de très important, surtout en lien avec ce lieu. C'est une suspension qui est en même temps une ouverture à autre chose que soi-même, à l'occasion d'un lieu, d'un coin, d'un petit coin. Hein, j'ai beaucoup aimé cette idée d'un coin. On se blottit dans un coin. Mais alors, quand vous parliez tout à l'heure de l'insomnie, il y a cette autre direction de l'insomnie, extrêmement positive, qui apparaît à la fin, dans laquelle l'insomnie, là, il y a un éloge de l'insomnie, c'est 1976, donc c'est tardif, dans laquelle, justement, l'autre ne cesse de m'éveiller, me sort de mon sommeil, non pas de mon sommeil cognitif ou dogmatique, mais de mon sommeil moral. Et là, il y a un point très important, c'est l'autre sortie de l'Ilia, je sors vraiment de l'Ilia, par le sommeil, c'est une petite sortie encore, un petit décalage en moi-même. Donc c'est une temporalité juste d'un présent décalé. Tandis que là, vraiment, c'est l'autre qui éveille le même. Et là, dans Éthique à l'infini, il insiste là-dessus. Hein, c'est ce qui est l'être pour l'autre arrête le bruissement anonyme et insensé de l'être, hein, dit-il. Et donc, je suis. C'est l'autre qui me dépose. L'autre, beaucoup plus que le sommeil, me dépose de moi-même, me désintéresse de moi-même. La responsabilité pour autrui, il dit, c'est pas tellement l'amour, parce que l'amour, c'est trop confus, c'est trop général. C'est vraiment la responsabilité d'autrui me délivre de l'être, et je dirais du poids du devoir, de la fatigue d'être. Mais alors là, vous allez un peu vite, et c'est normal, parce qu'on allait en 1976, donc 30 ans après le livre qui a ouvert cette émission. Peut-être. Mais parce qu'il faut comprendre l'autre chez Lévinas, on n'en a pas encore parlé. Il faut savoir que l'éthique lévinassienne, qui a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle l'éthique, qui se distingue de la morale, notamment dans la manière qu'elle a de se mettre en œuvre. C'est pas tellement les distinctions entre bien et mal, qu'entre bon et mauvais, mais chez Lévinas, l'éthique est faite d'une injonction incarnée entièrement par l'autre. Chez Lévinas, l'autre, autrui, est celui qui, dès lors que j'aperçois son visage ou son regard, m'ordonne de veiller sur lui. Ouais. Il y a une injonction radicale. Indépassable, radicale. Au fondement même de toute morale, qui est sans doute très lourde à porter, hein, d'ailleurs. Ouais. Il est difficile de voir comment cet autre, qui est au fondement de la morale, apparaît dans l'insomnie. C'est là, en tout cas, moi, j'ai du mal à faire le lien, Olivier Abel. Comment ça se passe ? Ben, y a l'horreur d'être assujetti à soi-même, de se porter soi-même, d'être assujetti à l'être, d'une manière, au devoir de corribante, de portée d'existence. Et puis, l'appel d'autrui, l'appel du visage d'autrui, de la voix d'autrui, du regard d'autrui, me délivre. Et là, je suis constitué par autrui, par son appel. Donc l'insomnie déjà était une expérience de dépersonnalisation. Oui. Je n'étais plus moi-même, je devenais peut-être un Ilia. Et autrui, à son tour, me délivre de moi. Mais là, me constitue comme sujet. C'est dans l'autre sens. C'est par autrui que je suis réellement constitué comme sujet. Enfin, vraiment, il y a un procès de subjectivation. Comment est-ce que je deviens sujet ? Je deviens sujet en voyant sur le mode mineur à l'intérieur de mon sommeil par mon retrait de l'être. Il y a une sorte de micro-subjectivité, si je puis dire, qui apparaît là. Mais je suis réellement délivré du soi, au sens du soi lourd qui est juste dans l'être et qui continue à porter, à être encombré de soi-même. Je deviens réellement sujet par l'appel à autrui. Et c'est là que je deviens que je suis constitué par cet appel. Et donc l'insomnie, elle est justement le lieu de l'expérience. Là, elle devient extrêmement positive. L'insomnie, elle devient le lieu de... On ne peut pas se dérober à autrui. Dans l'insomnie, c'est l'expérience de ne pas pouvoir se dérober à autrui. Et on est... Il insiste, il y a des mots extraordinaires. Il dit, on est dénoyauté du repos de l'identique. Hein. C'est ça, l'insomnie est inquiétée au cœur de son égalité formelle par l'autre qui dénoyote tout ce qui en elle se noyote en repos, en présence, en sommeil. Voilà. Tout ce qui s'identifie, puis il continue, l'insomnie, le déchirement de ce repos dans l'identique, car tel est le caractère irréductible de l'insomnie, l'autre dans le même, qui n'aliène pas le même, mais qui l'éveille. Voilà. L'insomnie ou la veille sans intentionnalité, la veille désintéressée, n'est pas appel à une forme. Ah ben voilà, c'est un texte fondamental, c'est vraiment ça. On passe donc dans Dieu, la mort, le temps, l'éloge de l'insomnie en 1976. Voilà. Donc là, on passe de l'enfer, de l'impuissance à échapper à l'être, l'insomnie comme impuissance à échapper à l'être, à justement cet éveil par devant autrui, de la sensibilité à l'irréparable, la sensibilité à la vulnérabilité d'autrui, la sensibilité à la justice, bref, la vigilance, le devoir de sentinelle de l'existence, qui est vraiment, le sujet éthique qui surgit, qui apparaît en quelque sorte en réponse à cet appel. Heidegger disait que l'homme était le berger de l'être. Oui, alors oui, ce serait une image. Le berger, en principe, il ne dort pas. Le pasteur de la... Oui, mais il y a l'idée quand même de veiller sur. Est-ce que Lévinas pourrait reprendre à son compte cette affirmation dans l'insomnie ? Il s'agit de cette vigilance sur laquelle il insiste tant. Oui, mais alors peut-être que donc c'est pas... Est-ce que c'est... Ou alors c'est la vigilance à autrui plus qu'à l'être ? Voilà, c'est à autrui. C'est encore une fois, c'est ça. C'est l'autre. C'est l'autre qui me rend réellement vigilant, et non pas vigilant comme moi, étant le berger, donc quelque part je suis supérieur à mon troupeau. Hein, tandis que là, d'une certaine manière, je suis otage de l'autre, dit Lévinas. Il a encore ces phrases dramatiques. Mais il faut voir que ces phrases dramatiques, elles ne se comprennent que parce que justement, c'est parce que je suis otage de l'autre que je suis délivré. De moi. Donc est-ce que je préfère être otage de l'autre ou de moi-même en fait, du moi en tant que je suis prise captive de l'identique et donc de l'être comme étant le même qui se répète de cette manière. L'autre me délivre du même par lequel je ne fais que répéter ce que je suis dans l'être encombré de moi-même. Oui. C'est vrai, dans la fatigue existentielle que nous décrivions en début d'émission Lévi et Abel, il y a aussi le caractère lassant, voire insupportable de la répétition. C'est ça. Ce dont on ne peut se défaire, c'est de la répétition quotidienne de l'existence des jours et des nuits qu'on ne peut pas briser et qui fait que nous sommes à l'affût de toute forme de nouveauté. Or, à cet égard, l'autre, la rencontre, constitue une nouveauté absolue dans laquelle je souhaite m'engouffrer pour oublier le même, oublier la répétition. Kierkegaard parle d'une jeune fille qui est désespérée d'amour, elle est complètement dans le désespoir. Elle dit... S'il était devenu le bien de l'autre, maintenant ce moi fait son ennui, puisqu'il doit être un moi sans l'autre. Elle, une jeune fille amoureuse, et donc elle a perdu son amour, et donc elle se retrouve elle-même prise dans sa monotonie, elle était prête à être otage de l'autre, mais l'autre a disparu, l'autre ne l'aime plus, et donc c'est ça le désespoir, un moi sans l'autre. D'où l'importance de l'insomniaque qui, parce qu'il ne dort pas, peut peut-être accueillir l'autre, voire veiller sur les autres. Oui. C'est l'idée que développe un auteur, alors pas Kierkegaard, mais Kafka, un autre cas, Kafka que Lévinas connaissait bien, qu'il cite souvent. Écoutez cet extrait magnifique dans La muraille de Chine. C'est un texte intitulé Nocturne, qui date de 1920, et qui décrit ce qu'on pourrait appeler un veilleur de nuit imaginé. Il fait nuit, la fenêtre s'ouvre sur la ville ou un endroit où d'autres se trouvent, et voici ce qui peut se passer dans la tête de ce veilleur de nuit. Enfoui dans la nuit. Être enfoui tout entier dans la nuit, comme il arrive quelquefois qu'on enfouisse la tête pour réfléchir. Tout alentour, les hommes dorment. C'est une petite comédie qu'ils se donnent, une innocente illusion de penser qu'ils dorment dans des maisons, dans des lits solides, sous des toits solides, étendus ou blottis sur des matelas, dans des draps, sous des couvertures. En réalité, ils se sont retrouvés comme jadis et comme plus tard dans une contrée déserte, un camp en plein vent, un nombre d'hommes incommensurables, une armée, un peuple, sous le ciel froid, sur la terre froide. Chacun s'est jeté sur le sol, là où il était, le front pressé sur le bras, le visage tourné vers la terre, respirant paisiblement. Et toi, tu veilles. Tu es un des veilleurs. Tu découvres le prochain veilleur en agitant le tison enflammé que tu prends au tas de brindilles près de toi. Pourquoi veilles-tu ? Il faut que quelqu'un veille, dit-on. Il faut quelqu'un. Un veilleur. Un veilleur. Que veilles-tu ? Qui t'a engagé ? Une seule chose. Ton dégoût de toi-même te rend plus riche que le cloporte qui est couché sous la vieille pierre et veille. Ah, c'est magnifique. Hein. Et si l'humanité se trouvait dans le dégoût de soi-même, c'est ce que semble dire Kafka, ce qui nous distingue du cloporte, du cafard, c'est le dégoût de soi, cette fatigue d'être soi qui nous constitue, qui peut être là, à cet égard, une bonne nouvelle, c'est ce qui fait notre humanité aussi. Cette insomnie, il me semble que Lévinas rapproche cette expérience-là du prophétisme dans plusieurs de ses textes. Et en fait, l'idée que la prophétie, c'est vraiment le réveil du même par l'autre. C'est-à-dire le fait qu'il y a une sentinelle qui vient en quelque sorte, qui en même temps la conscience. Alors ça, c'est beaucoup de textes bibliques, bien sûr. Je parle du prophétique. Mmh. Je pourrais chercher dans le tragique grec. Hein, il y a aussi quelque chose de très voisin dans certains grands cycles de grands tragiques. Il y a l'idée que l'ennemi ne dort jamais, Esaïe, etc. Bon. Mais il y a l'idée que il faut veiller, Ézéchiel, Job, il ne faut pas dormir, il faut réveiller les humains qui dorment en quelque sorte. Il y a des psaumes qui disent aussi que Dieu veille justement qu'il. Et il y a cette phrase étonnante citée par Lévinas du Cantique des Cantiques où il dit je dors mais mon cœur veille. Alors, mon cœur veille. Je dors mais mon cœur veille. Et donc il faut là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant comme chiasme, parce qu'en même temps, il faut que quelque chose s'endorme pour que quelque chose d'autre se réveille vraiment. Et je trouve cette image tout à fait somptueuse. Et il me semble qu'il y a quelque chose comme ça chez Kafka. C'est en même temps pouvoir veiller quand tout le monde dort. Figure qu'on a chez Socrate à la fin du banquet. Hein. Socrate a traversé la nuit, il a traversé tous les dialogues. Et à la fin de la nuit, tout le monde s'est endormi, à moitié ivre, Alcibiade, etc. Et lui, il a quitté la maison, il continue à parler dans la rue avec les autres, ce côté vigilance. Mais aussi, c'est aussi le Diogène qui dort quand tout le monde s'agite autour de lui. Hein, c'est aussi ça. Donc, il y a une sorte de décalage, de double décalage de la vigilance et du sommeil qui a une dimension prophétique. Oui, c'est deux interprétations différentes de l'insomnie. Il y a l'insomnie que produit par une angoisse, par un stress, par une inquiétude, quelque chose qui, comme un aiguillon qui nous maintient éveillé, mais contre notre gré. Oui. Et on peut le voir à l'inverse. Alors, est-ce deux types d'insomnie ou deux manières différentes de voir une même insomnie ? L'impossibilité de dormir comme étant l'effet de la nécessité de veiller. Voilà. Je ne dors pas parce que je me sens requis, parce que je me dois de veiller. Voilà. investi d'une sorte de mission. On parle de vigilance, de berger de l'être, de veille. Je suis un veilleur, c'est une façon plus, exactement, oui, plus valorisante, oui, que de dire je suis insomniaque. Oui, exactement. Alors, il me semble on peut se poser la question, mais sur quoi suis-je appelé à veiller? Je pense que Lévinas, il a porté ces deux choses-là en même temps, mais peut-être qu'il a appris peu à peu à domestiquer l'horreur de l'insomnie en en faisant une éthique, d'une certaine manière. C'est ça, une éthique de l'insomnie. En dénudant ce qu'il y a la racine éthique de la racine éthique de sa propre insomnie. Et ça, je trouve ça extrêmement passionnant et magnifique dans sa démarche. Avec chez Kafka, cet ajout vraiment kafkaïen, qui est cette question, là, quand il dit un veilleur, que veilles-tu? Qui t'a engagé? Comme s'il y a toujours cette idée d'une espèce soit de complot, enfin d'être, on est victime de quelque chose et un veilleur a été engagé par quelqu'un qu'on ne connaît pas et dont nous sommes soit le porte-parole, soit la victime justement, et ce qui permet d'interroger à nouveau frais, encore une fois, le phénomène de l'insomnie en se disant mais peut-être qu'on est les... c'est l'effet de quelque chose qui me précède. Et alors peut-être aussi du côté du sommeil, il y a aussi une autre nuance à trouver qui me semble intéressante, qui est celle entre donc la manière qu'il y a deux insomnies, il y a aussi deux manières de lire philosophiquement le sommeil. Il y a le sommeil qu'on trouve chez Schopenhauer, qui est d'une certaine manière le noyau de notre être. Et dans le sommeil, je suis au plus près du noyau de mon être, c'est-à-dire du vouloir vivre, mais aussi dans ce qu'il a de désindividualisé, c'est-à-dire je rejoins la rumeur immense du vouloir vivre, qui sortait dans ce noyau à la fois de désir, de pulsion, c'est un monde presque de ce rythme de l'exister en général. Bon. Et alors que chez Lévinas, le sommeil est au contraire un retrait de l'être. Et donc, il y a quelque chose comme, c'est au contraire le premier lieu un début d'individualisation, d'une certaine manière, la possibilité de se retirer de l'être. Et donc, les deux sont des tiges d'une éthique, parce que d'une certaine manière, c'est une éthique chez Schopenhauer, dans la mesure où, à travers le sommeil, je peux découvrir la compassion, la possibilité de l'empathie pour tous les autres êtres. Dans le sommeil, je rejoins tous les autres êtres, et donc c'est une forme d'éthique possible. Chez Lévinas, au contraire, c'est un retrait de l'être, et donc, dans le sommeil, c'est peut-être le premier retrait qui permet le respect, c'est-à-dire la suspension qui me permet de revenir, d'ouvrir à autre chose que moi-même, et donc à moi-même comme un autre, parce que d'une certaine manière, le commentaire que fait Lévinas de la rencontre d'autrui est lié aussi à sa réflexion sur le temps. C'est le prolongement de la cinquième méditation cartésienne de Husserl, dans laquelle justement c'est la genèse simultanée du temps et de l'autre. C'est-à-dire, le temps fait en moi la place pour autre chose que moi-même, pour autrui, et le autrui crée en moi une temporalité. C'est-à-dire, si j'étais tout seul, je n'aurais pas de temporalité, il n'y aurait pas de temps, il n'y aurait que moi, d'une certaine manière. C'est par l'autre que je rencontre qu'il y a du temps, que j'ai le temps, d'une certaine manière, que je suis sorti de moi-même par la rencontre d'autrui. Mais sommeil et insomnie ne s'opposent pas forcément, ils peuvent être eux aussi simultanés. Si on reprend les termes de Lévinas, peut-être que quand la conscience sommeille, le cœur, lui, est insomniaque, le cœur veille. C'est ça, comme dans le Cantique des Cantiques, exactement. Oui, tout à fait. Mais ce cas, c'est que moi, j'aurais tendance, de manière un peu bachelardienne, à penser en termes où, un petit peu comme ce qu'on trouve dans la dialectique de la durée de Gaston Bachelard, j'aurais tendance à trouver une sorte de solution en disant, ben voilà, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour être vigilant. Justement, c'est peut-être aujourd'hui, on a un problème de rythme. On ne dort pas assez et on est insomniaque. Et en même temps, on ne dort pas assez, donc on est fatigué parce qu'on ne peut pas agir, parce qu'on est tout le temps, on est tout le temps anxieux, insomniaque et tout le temps fatigué et là, etc. Et donc, si on trouvait un bon rythme. Mais il me semble qu'il n'y a pas cette solution chez Lévinas. Il me semble pas qu'il y ait de solution rythmique. On est dans une asymétrie entre l'un et l'autre. Il y a plutôt, il me semble, chez Lévinas, un sommeil qui est un premier retrait, pour moi, l'expérience dans laquelle je rencontre cette fatigue à un niveau où justement je ne coïncide plus à moi-même, d'une manière, et après je me reprends, je me réveille quand même, et donc je suis obligé de reprendre mon existence là où elle en est. Et donc ma fatigue, elle n'est pas du tout abolie. Bon. Mais en revanche, je suis délivré par la veille, par la vigilance, je suis délivré par la rencontre de l'autre, qui elle me délivre véritablement de l'horreur de l'Ilia. En nous couchant, en nous blottissant dans un coin pour dormir, nous nous abandonnons à un lieu. Il devient notre refuge en tant que base. Toute notre œuvre d'être ne consiste alors qu'à se reposer. Dormir, c'est entrer en contact avec les protectrices vertus du lieu. Chercher le sommeil, c'est chercher ce contact par une espèce de tâtonnement. Celui qui se réveille se retrouve enfermé dans son immobilité, comme un œuf dans sa coquille. Cet abandon, à la base, qui offre en même temps un refuge, constitue le sommeil par lequel l'être, sans se détruire, demeure suspendu. C'est à partir du repos, à partir de la position, à partir de cette relation unique avec le lieu, que vient la conscience comme un acte qu'elle décide. C'est à partir de la position, d'une immobilité qu'elle vient à elle-même. Elle est engagement dans l'être qui consiste à se tenir précisément dans le non-engagement du sommeil. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis? Le paradis, ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve, que je rêve, qu'on a tué mes insomnies, et que pâles en robe blanche, on les accouche dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris, et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondues, peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris, au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie madame, nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus, ce n'est pas l'heure en tout cas, mais grand-mère, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, allez, c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis. Ça, c'est dit, c'est chanté par Barbara, évidemment, les Insomnies. Un grand merci à vous, Olivier Abel, d'être venu nous parler de Lévinas aujourd'hui. Merci, Adèle. On va avoir Barbara dans la tête toute la journée, et aussi, peut-être, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient de s'installer à notre table pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous proposez deux actualités éditoriales, c'est-à-dire deux livres. Oui, deux livres. D'un côté, le livre de Jean-Loup Bourget que vous avez reçu il y a peu, Adèle, sur Orson Welles, mais qui dans ce livre analyse le chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, Rebecca, et de l'autre, l'essai de Marie-Gilles, La chambre d'à côté, le décadrage absolu de Melville à Scorsese. Alors pourquoi deux livres, Géraldine? Pourquoi ces deux-là en même temps? Eh bien, parce qu'ils se penchent tous les deux sur le secret. Des secrets, on en trouve partout, du mystère de notre création aux affaires d'État, des secrets de fabrication d'une œuvre à ceux de famille. Il semble qu'il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Et cela, les fictions le montrent bien, mieux même que les systèmes philosophiques qui veulent tout saisir, tout démontrer et tout expliquer. Et ces deux livres, à travers le cinéma et la littérature, s'appuient donc sur des fictions pour explorer tout le problème du secret. S'il y a des récits, ceux de l'enquête détective notamment, qui visent à dévoiler un secret, et finalement, à l'annihiler, eh bien, il y en a d'autres qui préfèrent jouer sur son épaisseur. What is the mystery of Rebecca? What dread secret is hidden within the silent walls of Manderley? It's not only in this room. It's in all the rooms in the house. I can almost hear it now. Do you think the dead come back and watch the living? Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation? No, she's my employer. I'm what is known as a paid companion. I didn't know companionship could be bought. There is mystery, love, and laughter in Rebecca, the motion picture still unsurpassed for suspenseful romance. Ah, le secret de Manderley qui hante Rebecca, ça c'est une histoire géniale, j'ai envie. Et oui, et quel est ce secret? Qui est Rebecca, la première femme du riche Maxime de Winter? Qui est cette absente qui parvient malgré tout à prendre toute la place, au point de donner son nom au récit et sur laquelle bute la nouvelle épouse, Madame de Winter? Alors faire un film sur un souvenir, montrer un fantôme, révéler à l'écran sans l'éventer un secret pesant, c'est tout l'enjeu de cette première réalisation américaine d'Hitchcock, à partir bien sûr du best-seller de Daphné du Maurier. Et d'une certaine manière, cet enjeu est aussi celui du secret, de tout secret. Le secret n'a d'existence et d'épaisseur que parce qu'il n'est pas connu. Et dès qu'il est dévoilé, eh bien il n'a plus aucun intérêt. Alors comment parler d'un secret sans le dévoiler? Comment approcher un secret sans le découvrir? Ces questions sont redoutables, mais elles le sont d'autant plus quand elles se posent à l'écran et passent par les images qui visent à découvrir, à révéler, à dévoiler. Jean-Loup Bourget, dans son livre, rappelle ainsi toutes les lectures que l'on a pu faire du film d'Hitchcock, lectures politiques, mythiques ou psychologiques. Elles visent à rendre lisible ce film, à comprendre les figures hantées et même ce personnage de Rebecca qui n'apparaît pourtant jamais à l'écran. Mais le mieux reste ces pages sur la première personne du singulier où l'on est plongé dans la tête de la nouvelle épouse de Maxime de Winter. La grande inconnue, c'est elle. On ne sait même pas son nom et tout le récit se construit au fur et à mesure de ce qu'elle voit ou pense voir, de ce qu'elle imagine. Quel est alors le vrai secret de cette histoire? Celui d'une disparue bien présente ou celui de cette femme évanescente? Le jour est pour moi comme une grande coupe d'or que nous devons vider ensemble. J'ignore comment. Je le sens. Vous me faites toujours sentir la même chose que vous. À des kilomètres de vous, je sais ce que vous ressentez. À propos de grande coupe d'or, vous rappelez-vous celle que je vous ai offerte il y a si longtemps et que vous avez refusée? La veille de votre mariage, la coupe de cristal dorée dans la petite boutique de Bloomsbury. Ah oui. Mais celle d'aujourd'hui est une vraie occasion. J'espère que vous ne croyez pas que cette occasion-là est fêlée aussi. N'êtes-vous pas un peu trop hanté par les fêlures? Dans son essai, Marie-Gilles convoque elle aussi le cinéma, puis la peinture et la littérature, Melville, Proust, Nabokov et l'écrivain du secret par excellence, Henry James. Les ambassadeurs, le motif dans le tapis, dans la cage ou encore, dont on vient d'entendre un extrait, la coupe d'or. À chaque livre de James, son secret. Et mieux qu'Hitchcock, dont les films dévoilent toujours au final leur secret, avec Henry James, il n'y a pas de résolution du mystère. Toute la place est laissée à l'interprétation, rien n'est saturé de sens, au point que dans les derniers écrits de James, comme le dit Marie-Gilles, le secret en est même envahissant. Ce secret, c'est ce que Marie-Gilles appelle la chambre d'à côté. Comme la chambre de Rebecca laissée en l'état après sa mort, cette chambre est là, tout y prend sens, mais elle reste inaccessible. Elle reste à côté de la trame narrative avec ses événements, ses péripéties et les actions des personnages. Voilà le sens du secret, quelque chose qui est là, quelque chose d'essentiel et qui doit d'ailleurs le rester pour exister et pour nous laisser exister. Merci Géraldine, un film à regarder donc pour Noël, Rebecca, un livre à lire, Henry James, et puis en tout, voilà, c'est deux livres. Donc, rappelez-les-nous. Donc, Rebecca de Jean-Loup Bourget, c'est paru aux éditions Vendémiaire. Et puis, Marie-Gilles, la chambre d'à côté, le décadrage absolu de Melville à Scorsese, c'est paru aux éditions Hermann. Merci, vous me donnez envie de refaire une série sur Hitchcock à voir. On en pourquoi parlera. Pas pourquoi bonne pas. Idée. Ouais. Votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission. David Pargamin, Marianne Chassor, Marie Aubert, Géraldine Mosna-Savoie, Louis Servet, Claire Perriman-Holt, avec à la réalisation Nicolas Berger et Annabelle Brouard, à la prise de son Clément Daté, au mixage Théo Gomard, lecture des textes Georges Clès. Pour réécouter cette émission ainsi que toutes celles de cette série, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez tout réécouter en ligne et tout télécharger pour une durée illimitée. Afin de réécouter l'émission à l'endroit et à l'heure de votre choix, rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Demain, je vous propose de redécouvrir l'émission avec Julien Doré, enregistrée en janvier 2018. dans le cadre d'une série d'émissions sur la chanson populaire. Rendez-vous demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.